cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fi darsina al-akhir, on a fini le premier fasl. Naam. Alors on n'a pas fini encore le premier fasl. Laquelle on a fini plusieurs points. Et parmi ces points, l'importance d'avoir un gouverneur. كما قال الإمام أحمد لابد للمسلمين من حاكم تذهب حقوق الناس فبالحاكم الله سبحانه وتعالى إماء الأمن في الأمة وبالحاكم كثير من الأمور تصلح avec le gouverneur beaucoup de choses qui sont facilitées beaucoup de droits qui sont préservés فلهذا ce sujet il est مهم جدا والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلمة طيبة في هذا كما في مجموع الفتاوى المجلد 28 الفوليوم نمبر 28 قال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان تأمل كلام أهل العلم العلماء يغفلشيس avec الكتاب والسنة كذلك العلماء il regarde très très loin. Al-ulama kadhalik, avant de parler, il pèse al-masalih et al-mafasid. Falihada, on a lu plusieurs paroles de savants fi hadha al-bab. Et avant de commencer le prochain point, on a ajouté hadhihi al-kalima. On l'a déjà expliqué et propagé. Lakin bi-ikhtisar, qala sittun sana min imamin ja'ir, 60 ans, avec un imam ja'ir, zalim, 60 ans sous l'autorité d'un gouverneur injuste, Zalim Ja'ir, aslah min laylatin wahida bila sultan. C'est plus profitable pour toi, akhi al-mu'min, qu'une nuit sans sultan, sans amir, sans gouverneur. Limada, ahlul ilm yaqulun anna cette nuit, rubbama, tu perds tes biens. Cette nuit, tu te fais agresser. Cette nuit, tu perds la vie. Cette nuit, rubbama, ce pays dans lequel tu es, il bascule en guerre civile. Et ça dure des années. Falihada, on ne doit pas être égoïste. Bardanaz, ils pensent qu'à eux. Bardanaz, vu qu'ils ont été éprouvés dans une certaine chose, ou ils ont un manque de confort dans d'autres choses, et ils ne connaissent pas la voie des salafs, voilà, ils remettent directement la faute, toute la faute sur le gouverneur, alors que ce n'est pas forcément juste. Et Thanian, ils espèrent une rébellion, une révolte, en pensant que ça va s'arranger. L'ignorance. L'imam Ali, il y a l'ignorant, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Al-Alim, il voit très très loin. Kazalik, l'ignorant, en général, il pense qu'à lui. Il pense que si ce gouverneur, il part, un autre, il vient, ça va l'arranger. Il pense pas aux autres. Al-Alim, là, vu qu'il pense, vu qu'il réfléchit, vu qu'avant de parler, il se base sur les textes du Coran et de la Sunna, les ulama, ils ont ce genre de paroles. C'est tout le sénat. من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. Ce genre de paroles, ça doit encore nous pousser encore plus à faire des efforts pour comprendre هذا الموضوع, ce sujet très très important. قال الشيخ عبد السلام فصل ولما كان منصب الإمام أكبر المناصب وأهمها وأخطرها إذ مصالح المسلمين متعلقة به جاء الشرع بتعديد فضائله وتقوية جانبه ليعينه ذلك على العمل بما يصلح أحوال المسلمين في أمور الدين والدنيا في أمور الدنيا والدين vu que هذا المنصب c'est cette place ce rôle أي الإمام الأمير الحاكم ولي الأمر أي le dirigeant le gouverneur vu que cette place avec toutes les responsabilités que ça implique مصالح المسلمين le gouverneur, il est responsable d'une umma, d'un peuple entier. Et il sera jugé sur cela. Vu que cette place, elle est très très difficile, c'est un travail très très difficile, avec un énorme danger, dans notre dit, dans les textes du Coran et de la Sunna, dans plusieurs textes, il y a des bienfaits, des mérites de Haoula qui sont cités. ولاة الأمور قال فمن ذلك قول الله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقيل في تفسيرها في الحاشية على نود بات باج قال انظر تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جمعة قال لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض كما تقدم أن من حكمة الله عز وجل في إقامة هذا الباب العظيم إلى فد ديزني أن غوفرنور أن ديريجون أي pour repousser les injustices pour donner le droit à chacun وإلا لتواثب الناس بعضهم على بعض وإلا فالقوي يأكل الضعيف celui qui a des connaissances qui est plus fort qui est il fera du mal au plus faible. قال فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار. Tout ça on l'a vu dans le chapitre précédent. قال فتفسد الأرض ومن عليها 60 سنة بإمام أو من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان لأن sans imam لا تنتظم الأمور il n'y a plus de règles. تقدم معنا أن كثيرا من الناس لا يخافون الله. Alors qu'on a des règles citées dans le Coran ou le Sunna, ben on a toutes les règles, on a les meilleures règles, tout ce qui nous suffit, fait le Coran le Karim. Lakin, vu que beaucoup de gens ils n'appliquent pas, ou ils s'écartent de ces textes, Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatihi, wa huwa arhamur rahimin, il a légiféré, il a ordonné que la communauté, elle doit être dirigée par un guide, par un amir. Hatta, il impose certaines choses, il instaure des règles. Tout le monde doit suivre. Celui qui ne suit pas, il risque la punition. قال ثم امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال الألوسي رحمه الله في تفسير الآية وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك وأنه أو فضيلة الملك. نعم قال وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمر العالم انتهى يعني لولاه بعد الله تعالى نعم شيخ عبد السلام il a fait cette précision أي s'il n'y aurait pas le dirigeant bien sûr tout ça بعد الله سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته ما استتب أمر العالم نعم les gens ils auraient pas pu vivre لماذا لأنه il n'y aurait aucune règle تأمل أنت on peut prendre un exemple tout simple. Un exemple tout simple, la conduite. La conduite, la bout de min nidam. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, ça serait yadam billah, comme fil rab. Pas de priorité, pas de respect de la vitesse. Chacun passe par où il veut, il y aurait des blessés, des morts, on ne pourrait pas rouler. La bout de ces règles. C'est pour ça que dans n'importe quel pays, les autorités, ils mettent en place ces règles. Des stops, des feux rouges, des limitations de vitesse. Malgré cela, certains ils ne respectent pas à cause de certains excès, à cause d'oubli. Il a akhiré, il arrive des accidents, il a akhiré. Lakin, ces règles, elles sont très très profitables. Falihada, obéir et suivre ces règles, c'est une obéissance aux autorités. Falihada, la yadjouz, ne pas respecter le code de la route. Moi, il me s'est invité pour vous montrer, ce genre de règles, ça permet de pouvoir conduire en sécurité en général. Et les priorités, maintenant tu as un feu, tu attends 2 minutes, summa, c'est à l'autre de passer, ou ouais, à chacun son tour. Mais ben, au Kanta, il n'y aurait pas ces règles. Le plus rapide, il passe. Celui qui n'a rien à perdre, il passe. Il a akhiré. C'est un mythel que tout le monde peut comprendre. On est obligé de vivre avec certaines règles. Et ces règles, ce n'est pas moi qui peux les instaurer. Là, au bout de mon amir. Il n'y aurait pas d'autorité, il n'y aurait pas de dirigeant. On reste avec notre exemple de la conduite. Anna Madalan, je dis, moi pour moi, sur autoroute 150, c'est bon. On peut aller jusqu'à 150. Un autre, il va dire là, 180. Un autre, il va dire là, 100. Un autre, il va dire 130. On n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Et ça va tout désordonner. Amr, c'est lui qui place les règles. Il met une limitation. Celui qui n'observe pas, qui ne respecte pas, il risque une amende, il risque un retrait de permis. C'est comme ça que les choses s'organisent. C'est comme ça qu'on pourra vivre en sécurité. On a donné un exemple avec la conduite. Si tu prends le domaine économique, le domaine militaire, le domaine de la santé, le domaine comment se comporter avec les délinquants, tout ça, il faut des règles. Et bien sûr, par rapport au dîn, les règles, elles sont citées dans le Coran ou la Sunna. سيأتي إن شاء الله. قال وذكر أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في كتاب قوت القلوب. Avant de lire la parole de cet homme, بعض العلماء ينقلون عنه. Tu trouves certains savants. Il est mort il y a plusieurs années, au 4e siècle avant, si je me rappelle bien, les années 300 et quelques, Abu Talib al-Makki. Et كثير من أهل العلم après lui, ils ont rapporté de ses paroles. Il a écrit ce livre, Qut al-Qulub, et d'autres livres. Lakin, هذا الرجل, c'est un munharif. Dallun za'ir. Et son livre, Qut al-Qulub, c'est une référence عند الصوفية. فالأفضل, c'est de ne pas rapporter de lui. Aslan, il y en a cette parole qu'il a dite. Alors, chacun a des paroles, des imams, ils ont dit comme il a dit, ou un kalam dans le même sens. فعلى كل حال الأفضل c'est de ne pas le citer. لكن certains savants ils le citent, parmi eux Cheikh Abd Salam il l'a cité dans cette risale. لكن من المهم هنا c'est de ne pas croire que vu que Cheikh Abd Salam il l'a cité, donc c'est un imam de la sunna. Là c'est un zahir, un vol. فلهذا قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في تلبيس إبليس, son célèbre ouvrage sur les ruses de Shaitan, قال وصنف لهم. Aïe, Abu Talib al-Makki, il a écrit un livre, Aïe les Soufis, pour les Soufis. قال وصنف لهم Aïe les Soufis, Abu Talib al-Makki, قوت القلوب. قوت القلوب, le قوت, c'est les provisions. Al-Qulub, c'est les cœurs. Aïe les provisions, ce que tu as besoin pour ton cœur. Le titre, il est Jamil. C'est un beau titre. Lakin al-Kitab fihi balawi. Une autre faïda, Akhil Karim, la tartar. Quand tu veux acheter un livre, quand tu veux lire un livre, quand tu veux propager un livre, la taghtar bil unwan. Avant le titre, regarde l'auteur. Thomas, tu regarderas le titre. Badana, s'ils commencent par le titre et ils n'ont pas assez de science pour discerner, Thomas, ils pensent que le livre il est bien. Thomas, ils font pas attention, c'est qui a écrit. Là, regarde l'auteur. Si c'est un imam parmi les imams de la sunna, alhamdulillah, il y aura du khair. Si c'est un munharif, un za'ir, voilà ce titre, en apparence, c'est un très beau titre. Al-Kitab Vihi Balawi. Beaucoup de mal. Qut al-Qulub, les provisions pour les cœurs. Qala, fadakara vihi al-ahadith al-batila. Wa ma la yustanat fihi ila asl. Beaucoup de mensonges, beaucoup de ahadith. C'est même pas du da'if. Il y en a dans les livres des savants. Il y a des ahadith faibles, min bab al-ijtihad. L'imam, il pensait que c'était un hadith, il était hassan ou sahih, accepté, alors qu'il est faible. Ah oui, il l'a cité en sachant qu'il est faible pour une faïda. Ah, ça arrive, كثيراً. Lakin là, via le kitab, c'est des hadith batila, des mensonges, mawdu'at, des khurafat. قال وما لي يستند فيه إلى أصل. Des hadiths qui n'ont aucune source. قال من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك. نعم, من البدع qui sont cités, c'est que des salawat pour l'ayam ou l'layali, chaque jour, le lundi tel salat, le mardi tel salat. كذلك في باب الأذكار, il y a des bid'a dans le dhikr. قال وذكر فيه الاعتقاد الفاسد. بل, dans ce livre, il a cité des choses qui contredisent la croyance de cela. بل, des croyances totalement fausses. قال وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه. Et ça, c'est من غلو القوم, من غلو الصوفية. أنه, il a cité dans ce livre أن الله عز وجل, dans ce bas monde, il peut apparaître et certains أولياء, ils peuvent le voir. Et ça contredit قول عائشة رضي الله عنها ثلاث قالت ثلاث أو ثلاثة من حدثكم بها فقد افترى على الله الكذب. Trois choses, si on vous informe que quelqu'un a fait ces choses, c'est du mensonge. من هذه الأمور قال من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي في الدنيا فقد افترى على الله الكذب. Si le prophète Mohammed alayhi salam salam, il a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala avec ses yeux, et hadi dunya fa ma bal alqou. Ou min aqidati ahli sunna anna personne ne peut voir Allah fi hadith dunya. Moussa alayhi salatu salam, il ne l'a pas vu. Quand il a demandé à Allah azza wa jal, al-qisal est cité fil Qur'an, il ne l'a pas vu. On fait attention, même si certains mashayikh ils le citent, enfin, ce n'est pas une référence. Et son livre, Qut al-Quloub, c'est un livre d'écartement. Lakin la chacun un savant de la sunna, s'il le cite, il va citer un kalam tayyib. Il va citer un kalam tayyib. Lakin nahnu istafadna une va'ida. On pense que c'est une référence et on achète ce livre ou on propage de ce livre. Là, les livres de Ahlul Bida' wa Dalal, c'est une fitna. Même si les savants, ils prennent une chose, ils ont la capacité de discerner entre le haq ou le batil et ils nous citent son kalam. Mais ma'ahada, l'afdal, c'est de ne pas les citer du tout. Ah, c'est l'afdal. Avec notre niveau, on n'approche pas, on n'achète pas. C'est avant d'écouter, avant d'acheter un livre ou écouter des audios, tu dois te renseigner c'est qui. Est-ce qu'il est à la haq ou là? Est-ce qu'il est à la sunna ou là? Il va écouter le premier venu, acheter le premier livre. Il y en a la couverture, elle est jolie, il y en a le titre, il est attirant. Là. Si c'est un livre de la sunna, ou un dars de la sunna, fa écoute et tu profiteras bi idnillah. Si c'est un majhoul ou un munharif, encore plus ha oula as-sawiya, fa bta'id, écarte-toi et préserve ton din. Qala dhakara Abu Talib al-Makki rahimahullah fi kitab Qut al-Qulub an ba'd ahli al-'ilm annahu qala al-imam yuwda' fi mizanihi jami' a'mal ra'iyatihi. Ça c'est min fadha'il al-a'imma. Vu que ils sont la cause de propager le bien. Ils sont la cause maintenant pour faciliter as-salawat, al-hajj, etc. Beaucoup de choses dans les pays musulmans. Enfin, ils ont une part des hasanats de ceux qui font ces choses. Les mahadali anahum, ils sont une cause. Qala wa bayanu dhalik ma qalahu al-shaykh al-iz ibn Abd Salam rahimahullah fi kitabihi qawaid al-ahkam fi islah al-anam. وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم أي القاضي لأن ما يجلبه من المصالح ويدرأه من المفاسد أتم وأعم ولذلك جاء في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Donc la récompense de l'imam الأعظم du gouverneur elle est plus grande que celle du mufti et du juge. L'imam, c'est encore une plus grande cause. C'est la plus haute autorité. Et la cheikh, c'est lui qui a le plus de responsabilités. Donc, si le bien il se propage par sa cause, la cheikh, il a une récompense. Quand il a cité les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône, يوم القيامة il a cité en premier l'imam al-adil, un gouverneur juste. Pourquoi? قال لعلو مرتبته لأنه il a un rang très élevé عند الله عز وجل. قال إلى أن قال وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام لأنهم يقومون بجلب كل صلاح كامل ودرء كل فساد شامل. نعم. Et نقل الإجماع, il a rapporté l'unanimité. أنهم c'est ceux qui auront la plus grande récompense. لماذا؟ لأنه ils sont responsables des autres. فلهذا يذكرون أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم vu que c'est le meilleur des êtres humains et c'est bien sûr, le meilleur des Umara, c'était l'amir de la communauté. Bel, c'est Rasoul al-Nabi, alayhi salatu wassalam, c'était lui la cause qui a propagé had al-khayr, al-Qur'an et tous les hadiths. Fali had al-ulama yaqulun anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a la récompense de toute la Umma. Mathalan, ce hadith qu'on vient de lire, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, si un gouverneur y met en... Si un gouverneur y met en application, il est juste, il aura une énorme récompense. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a la récompense kadhalik. Limadal yannahu, c'est lui qui a montré. Fa même une hasana, n'importe quel musulman qui fait une hasana, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a une récompense. Limadal yannahu, c'était la cause. Alayhi sallatu wassalam. Qala wa amma wulatu su wa qudatu al-jawr فمن أعظم الناس وزرا. قبل هذا avant de continuer, est-ce que fil asl il a cité autre chose? نعم. Dans l'asl il a cité un autre dalil qui prouve هذا. نعم. La nusra que j'ai page 49. Est-ce que je peux vous donner le fasl, ceux qui ont le livre, pour revenir plus facilement? نعم الفصل الثاني, le deuxième chapitre, في بيان المكان العلي لولي الأمر, pour montrer la haute place que le gouverneur il a. Donc il a cité عن ابن الأزرق المالكي قوله وقاعدة أن فاعل السبب بمنزلة فاعل المسبب قاطعة بذلك. Ça c'est une règle. أن celui qui a été une cause pour un bien, si quelqu'un fait ce bien, il a la même cause que celui qui le fait. Il a la même récompense à que celui qui le fait. Pourquoi? Parce qu'il a été la cause. Ad-dalu 'ala al-khayr ka fa'ilihi. Hakadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dalu 'ala al-khayr ka fa'ilihi. Celui qui montre un bien, il a la même récompense que celui qui le fait. Et il a cité un autre hadith, qala wa ilayha yushir qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithla ujuri man tabi'a la yanqus min ujurihim shay'a. Celui qui appelle à al-huda, à une guidée, à un bien. Thumma, d'autres personnes y font ce bien, elle a la même récompense qu'eux. Sans que personne, sans que la récompense des autres, elle ne diminue pas. Fadlullah wa asa. Celui qui a fait ce bien, mathalan, il a 100 hasana. Enfin, celui qui a montré ce bien, kadhalik, il a des hasana. Sans diminuer les 100 hasana du premier. Les 100 hasana. Qal wa man da'a ila dhalal. Kana alayhi min al-ithm mitla athaam man tabi'a. لا ينقص ذلك من آثامهم شيء أو هكذا العكس. Celui qui est la cause d'un mal, qui appelle un mal et les gens ils le suivent, فلا شك أنه il aura من أوزارهم ومن آثامهم, il aura كذلك, il aura une part de ce mal. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أي نعم. ثم ستين عام pour appuyer ce qu'il a cité في المختصر. ثم قال رحمه الله وأما ولاة السوء وقضاة الجور فمن أعظم الناس وزرا وأحطهم درجة عند الله عز وجل لعموم ما يجري على أيديهم من جلب المفاسد العظام ودرء المصالح الجسام. وهكذا ceux qui appellent mal, qui sont la cause de propager le mal, من الولاء, لا شك أنه ils ont une responsabilité énorme. Et tous ceux qui tombent dans ce mal, s'ils imposent matalan une règle, une loi qui contredit notre dîn, qui appelle à du haram, et les gens ils font ces choses, voilà, chacun d'eux ils auront une part. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا. ما من أمير, n'importe quel dirigeant, même s'il est responsable de 10, même s'il est responsable de 10 personnes, yuta yawm al-qiyama maghloulan, yawm al-qiyama il arrivera attaché, les mains attachées. Qala la yakuffuhu illa al-adl wa yubiquhu al-jawr. Il viendra les mains attachées. S'il était juste, enfin il sera détaché la cause de sa justice. Et s'il était injuste, il appelait au mal, il restera comme ça. Ayyadam billah. Ça nous montre quoi? Ça nous montre anna en effet ni'matin azim. C'est une épreuve. Celui qui a une responsabilité, wallahi, c'est une épreuve. Fahmadillah azza wa jal. Ahmadillah azza wa jal. Et donne-leur leur haqq. Ça montre encore une fois anna ahl sunnah. Ils ne disent pas que tous les gouverneurs, tous les dirigeants, ils sont sur la vérité. C'est des hommes pieux. Abadan, là, on a une règle. Si c'est un musulman, donne-lui son haqq. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. Yana, s'il est guidé, c'est un bien pour tout le monde. Kama sayati, insha'Allah. Amma, lui-même en personne, celui qui peut le conseiller, wa illa, ceux qui sont injustes, ils s'exposent à une énorme punition. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah li wulati umur al-muslimin. Qala thalithan, et parmi les mérites toujours, As-Sultan Zillullahi fil Ard. Hada nassun an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rouya fi iddat ahadith أصحها حديث أبي بكر نفيع ابن الحريث رضي الله عنه. نعم كانه الحريث. نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. Donc ce hadith, beaucoup de ces chaînes de transmission elles sont faibles et certaines très faibles. As-sultan dhillullahi fil ard. Le sultan, le gouverneur, c'est dhillullahi fil ard. Et Cheikh Abd Salam a fait le hadith, la narration de Abu Bakr, c'était la plus authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Takhrij Kitab As-Sunna ibn Abi Asim, il l'a hassan. Et dans d'autres livres, dans Dha'ifa, il l'a dha'af. Il faudrait voir est-ce que c'est d'autres narrations. Lakin alladhi yadhhar, c'est que Cheikh Al-Albani l'a hassan. Et certains savants, ils le hassan. Et à la kulli hal, le ma'na, il est tayyib. Ça y est, beaucoup de savants, ils citent ce hadith awwalan. Pourtant, il est faible. Lakin avec toutes les chaînes de transmission, certains savants, ils l'ont hassan. Et là, chacun a le ma'na, il est authentique. Qala, rahimahullah, qala, rahimahullah, wa al-ma'na, anna dhilla yadfa' adha harri shams, fa kadhalika sultan yadfa'u allahu bihi l'adha ani nas. Hada, c'est un ma'na jamil. L'ombre, ça nous protège des rayons du soleil. Et les rayons du soleil, si tu es exposé au soleil, en pleine journée, en été, quand il fait très très chaud, encore plus dans certains pays, ça peut te faire beaucoup de mal. Ben là, un long moment, ça peut tuer. Al-Dhil, l'ombre, ça repousse ce mal. Bi-idhnillah azza wa jal. Hakada sultan, yadfa'u Allahu bihi l'adha anil nas. Hakada sultan, c'est un rempart contre les injustices. C'est un rempart contre les injustices بإذن الله عز وجل. قال وفي إضافة الظل إلى الله تنبيه على أن الظل الحاصل بالسلطان ليس كسائر الظلال فهو أرفعها وأجلها وأعظمها فائدة ونفع. Vous avez remarqué que dans ce hadith, الظل أضيف إلى الله. ظل الله. Ça c'est من باب التشريف كما سيأتي. Est-ce qu'il l'a cité? نعم. On peut lire la suite. قال ففي الحديث دلالة على علو مكانة السلطان والشرف منزلته لأن الإضافة في قوله السلطان ظل الله إضافة تشريف وتكريم كقولنا بيت الله وكعبة الله. مثلا الله سبحانه وتعالى إلى إلوي المساجد على جميع البيوت لإضافته هذه البيوت إليه. On dit بيت الله. C'est un بيت من بيوت الله. C'est une maison d'Allah عز وجل. C'est une idafa min bab al-takrim ou al-tashrif. Léana l'idafa ala nou'in. Tu vois, l'idafa, c'est un attribut d'Allah. Maintenant, on dit yadullah, les mains d'Allah. Le visage d'Allah. Ça, c'est une idafa min bab idafa al-siva ila al-mawsouf. C'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Tu as une autre idafa, il faut pas comprendre que c'est un attribut. Abadan, c'est une créature. Lakin, pourquoi on lit cette chose à Allah? Parce que Allah, il a élevé cette chose. On dit yaitullah, on dit naqatul. On dit naqatullah, on dit rasulullah, on dit abdullah. لماذا لأن الله عز وجل a élevé ces choses. فهكذا هنا ظل ظل الله. Ça nous montre منزلة السلطان عند الله سبحانه وتعالى. Cheikh l'Islam le Taymiyyah رحمه الله, il a un kalam jamil qu'on peut ajouter. قال فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بسبب فساده ولا تفسد من كل وجه. هذا لا شك فيه كما تقدم. سي السلطان سي ان homme pieux et suit le droit chemin, falhamdulillah, la plupart des gens ils suivront le droit chemin, la plupart des gens ils profiteront de cela. واذا فسد سي العكس اذا فسد سي fait du mal الى اخره. قال فسدت بسببه. Et beaucoup de gens, ils feront du mal. Bissababé. قال ولا تفسد من كل وجه. مع هذا, même si cet imam, il est injuste. Même si cet imam, il fait du mal, tu trouveras toujours du khayr. Awwalan, on profite. Et ça y est, inshallah, ma'ana. Anna, vu qu'on a compris ce rôle très très important du gouverneur, du dirigeant, on ne doit pas faire comme les ignorants qui demandent à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils le maudissent. أبداً. بل on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide, لأن في هدايته الخير لجميع الأمة. S'il est guidé, c'est un énorme bien pour toute la communauté. Enfin, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. هكذا شأن العقلاء. من باب أولى أهل السنة. أنهم يصابوا qu'il y a un énorme profit pour le musulmi. Et كذلك ce gouverneur, ça reste un musulman, donc ça reste notre frère musulman, malgré ses manquements. Même si c'est un injuste, on fait du'a pour lui. Alhamdulillah, tout le monde profitera si Allah il exauce ce du'a. Amma a invoqué contre lui, il n'y a aucune faïda ni pour lui ni pour nous. Enfin, ça c'est sha'n as-suvaha, ahlul bid'a wal ahwa. On revient à la parole de Cheikhul Islam. Thumma qala wala tafsud min kulli wajh, bal labud min masalih id huwa dhillullah. لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى وأما إذا عدم الظل فسد الأمر. تأملوا فهم هذا الإمام رحمة الله عليه. On revient à l'image de l'ombre. السلطان ظل الله. هذا الظل il peut être très très profitable. مثلا tu es dans un endroit et il y a une immense ombre. Et il fait chaud et toi tu vas sous cette ombre et tu profites, alhamdoulilah. Hakada l'imam, s'il est juste, il est droit, il est pieux, la umma, elle profitera. Ahyanan, tu as une partie d'ombre et une partie, il fait très chaud. Lakin, tu profites un peu de l'ombre. Hakada l'imam s'il a des manquements. Hakada l'imam s'il a des manquements. Ça veut dire que, qawlu al-sultan dhillullah, ça veut pas dire que les gouverneurs, ils sont tous au même niveau. Là, certains, tu profiteras un peu d'eux. Matalan, il commet des injustices dans telle et telle chose, là qu'alhamdoulilah, il y a la paix, il y a la sécurité, tes biens, ils sont préservés, si tu as subi une injustice, tu peux porter plainte, alhamdoulilah, on te rend ton haq, khair, avec tous les manquements qu'il y a. Thumma qal, la dernière catégorie, wa taratan la yamna ila ba'd al-ada, on vient de le voir, qal, wa amma ida udima al-dhil, fasad al-amr. Amma s'il n'y a plus de d'ombre, quand un groupe de croyants, ils sont dans un endroit, il fait très très chaud, ils ne trouvent pas d'ombre. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent tous périr. Hakada, s'il n'y a plus cette ombre, s'il n'y a plus de gouverneur. Allez, hada, as-suvaha, ahlul bid'a wal ahwa, min ikhwan wa khawarij. Et humain, ils ne veulent pas comprendre, humain, ils ont du mal à comprendre. Et haoula, ils sont égoïstes. Ils pensent beaucoup qu'à eux. Et vu que eux-mêmes, eux-mêmes, ils veulent cette place, ils font tout pour faire tomber ce Amir. Wa illa va as-sunni, en étudiant al-ilm, il sait très très bien que cette place, wallah, il y a un énorme risque. Fali hada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama ja'a fi hadith Abi Huraira, fi sahih al-Bukhari, qala sallallahu alayhi wa sallam, innakum satahrisuna ala al-imara, wa satakun nadamatun yawm al-qiyama. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستحرسون أي certains ils vont faire des efforts. Vous vous rappelez du chapitre al-hirs dans le dars précédent, c'est le même mot ستحرسون. Et vous allez faire des efforts على الإمارة pour être gouverneur. وستكون ندامة ستكون ندامة يوم القيامة, alors que ça sera des regrets le jour de la résurrection. Mais nous là on voit la gravité de ceux qui se précipitent dans les élections pour être élus. Ils ne savent pas la gravité de cette place et les dangers, la responsabilité. Et كثير منهم ils pensent qu'à se remplir les poches. وإلا السني أولا, il fait tout pour éviter ce genre de place. Et كذلك il a de la rahma envers son gouverneur, c'est un musulman, il fait du'a pour lui. نعم كذلك il reconnaît les bienfaits. Parmi les bienfaits, أن السلطان ظل الله في الأرض. قال وفي الإشارة إلى كثرة الفضائل الواردة للإمام في النصوص الشرعية قلت ضمن قاصدة لي نصر الولاة إلى الإله محبب إكرامه فضل وما هو دون لهم الفضائل في الكتاب والسنة ولهم سيوف حدها مسنون ظل الرحيم بأرضه لعباده حصن من الفتن العظام حصين. أبيات جميلة. Il a démontré un sultan, l'amir, il a une énorme place. Zillul Rahim, c'est Zillullah fil ard, comme j'ai dit dans le hadith. كذلك ان لهم سيوف حدها مسنون. كذلك ils ont les moyens de faire respecter leur autorité. Ikramuhum fadl, نعم les honorer c'est un fadl, c'est des bonnes œuvres. قال حصن من الفتن العظام حصين وكذلك le gouverneur c'est un rempart contre الفتن. Si le gouverneur il tombe, enfin, le pays il s'embrase très très vite. Et on en a déjà parlé, ça arrivait dans plusieurs pays. قال إن إذا قال إن إذا جهل العدو صراطنا قوم بحب المنعمين ندين. نعم فأبيات جميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.